Les balles des jeunes étudiants consacrés au 5e anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un à la magistrature suprême de notre parti et de notre État ont eu lieu le 11 à Pyongyang et dans tous les chefs-lieux des provinces, les villes et les arrondissements du pays. Surtout sur les places du monument à la fondation du parti, de l'Arc de Triomphe, du Palais des Sports de Pyongyang et ailleurs dans la capitale, les jeunes étudiants ont dansé à la mélodie de la chanson « La joie du peuple ».